MATA, stratégie, secret lover, HMG. On s'est plus vu, où t'étais passé au moins 2 ans qu'on s'est plus vu. Content de te revoir, toujours aussi jolie, classique, sexy, je te kiffe à la folie. Non, je t'ai pas oublié, à croire qu'on est lié. T'as le temps, je t'invite au resto tant qu'on y est. Oui, je te connais bien, je sais que t'adores les surprises. T'aimes toujours le chocolat, les glaçons Mr Freeze. Après ça, je t'invite au ciné, tu vas halluciner. J'ai déjà les places, veux-tu être ma dulcinée? Je veux te faire plaisir sans rien attendre en retour. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, mon amour. T'es toujours avec ton mari, le père de tes enfants. Vous êtes toujours ensemble, ça fait maintenant plus de 10 ans. Je sais, tu l'aimes encore, moi je veux être juste ton amant. Car nous deux, tu sais maintenant, ça fait longtemps, trop longtemps. La dernière fois qu'on s'est revu, j'envoie des SMS, mais récemment t'as pas répondu. Croire que tu veux m'éviter, moi je me fais des idées. Je stresse sans cesse, toi tu te fais désirer. Mais il faut pas que t'abuses, à croire que ça t'amuse. Franchement, si tu continues, tu vas m'user. Monte dans ma voiture, vas-y, je t'amène faire un tour. Je t'emmène loin de ton quartier, aura personne tout autour. On sera seul, rien que nous, sois pas timide. Tu me fais trop d'effets, ça va être hot sans limite. Je veux te mettre à l'aise, sera autre chose que ton mec. Profitons des bons moments, après le reste on s'en moque. Tu sens monter la pression, je sais que tu vas apprécier. Après ça, peut-être que ton homme va me remercier. Tu dis que tu l'aimes encore, moi je veux être juste ton amant. Car nous deux, tu sais maintenant, ça fait longtemps, trop longtemps. Ok, je vois le truc. Tu veux juste que je sois ton secret lover? Ok, y'a pas de soucis, on va faire ça. Ok.